Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute de cette dernière édition en français de ce 6 décembre et en voici le sommaire. Célébration ce 6 décembre de la journée nationale du contribuable, le numéro 1 de l'exécutif appelle au paiement des taxes et impôts, source du développement, une occasion pour primer certaines personnalités et sociétés, dont le gouverneur de la province Muyinga, les entreprises Braroudi et Afri Textile, vous l'entendrez dans ce journal. Le médiateur dans le conflit burundais devrait faire usage de la légitimité que lui confère la sous-région et la communauté internationale pour amener toutes les parties autour en conflit autour d'une même table de dialogue. Le conseil vient de Sylvestre Ntibantunganya, ancien président burundais. Et l'amicale des musiciens du Burundi a demandé au Conseil national de la communication de soumettre son aval les chansons avant d'être diffusées par les médias. De son côté, le directeur de la radio Isanganiro en appelle au respect de la loi, disant que cette amicale n'a pas cette prérogative. 15 personnes ont récemment été arrêtées par la police accusées d'escroquerie. Dans ce journal, vous suivrez le porte-parole de la police nationale qui nous en dira plus. Et dans la chronique santé de ce mardi, on vous fera écouter la deuxième partie sur la crise cardiaque. Le cardiologue Constantin Nyamuzangura reviendra sur les complications de cette maladie qui tue les gens en quelques heures seulement. Vous l'entendrez dans ce journal présenté par Mireille Kanyange. François Kimana en assure la mise en onde. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir, page politique pour débuter ce journal. Je vous le disais en titre, le médiateur dans le conflit burundais doit faire usage de la légitimité que lui confère la sous-région et la communauté internationale pour amener toutes les parties en conflit autour de la table de dialogue. C'est l'avis de l'ancien président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya. Il estime que la question des participants dans le dit dialogue devrait être surmontée car, précise-t-il, le dialogue se fait entre les protagonistes et non pas entre les amis suivis. Nous savons le rôle que Mandela a joué quand il est venu. Il a bousculé tout le monde en leur rappelant leurs responsabilités. Il a rappelé ce qu'elle pouvait, ce qu'elle ne pouvait pas. Parce que des fois, quand des parties sont en négociation, chacune pense que c'est elle qui est détentatrice de la vérité. Alors que la vérité, normalement, vient du consensus que vous créez à travers vos négociations. Et c'est ce travail-là que Mandela a mené. Je souhaiterais donc que le président Mkapa, nanti du soutien de la région, de l'Afrique et de la communauté internationale, va donner à cet exercice pour que justement cet objectif qu'il s'est donné à atteindre dans un semestre soit atteint. Nous en avons besoin, nous tous, et j'en appelle à toutes les parties burundaises à faire tous les efforts nécessaires pour aboutir à cela. Il est important que chacun s'apprête à faire les efforts nécessaire. Dans les précédents rounds, les partis ont toujours posé la condition des participants. Chacune des parties voulait définir les participants à rencontrer dans la partie adverse. Comment surmonter ce problème? Tout le monde doit reconnaître qu'il y a effectivement une tentative de coup d'État. Le 13 mai 2015, tout le monde reconnaît qu'il y a eu des assassinats, qu'il y a eu des morts au Burundi, dont les responsabilités ne sont pas à l'extérieur du Burundi fondamentalement, mais chez nous, les Burundais nous-mêmes. Alors, nous devons faire un effort. Qu'est-ce que chacun doit faire pour poser les gestes qui sauvent l'autre et qui, en conséquence, consolident la paix et la confiance entre les Burundais? J'ai toujours parlé d'un mon pasteur, que c'est celui qui garde bien toutes ses brebis. Et que même, quand il sent des brebis qu'il a, il y en a une seule qui s'opère, il prend le soin de mettre les 99 autres en sécurité et va chercher l'autre jusqu'à la retrouver et à la réintégrer dans son bercail. C'est ça le devoir que nous devrions avoir, nous les leaders burundais, en sachant que nous le faisons, non pas pour ces individus, mais beaucoup plus et fondamentalement pour notre pays, le Burundi, afin de le stabiliser. Nous avons le devoir de stabiliser ce pays. Sylvestre Ntibantunganya, ancien président burundais, il répondait aux questions de Joseph Nsabiabandi. Page économie de ce journal, le paiement des taxes et impôts est source de croissance de certains secteurs de la vie du pays. Ceci a été dit ce mardi par le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza. Le numéro 1 de l'exécutif a fait savoir que le développement du pays dépend du paiement de ces taxes et impôts en vue de planifier différentes activités. C'était ce mardi lors de la célébration commémoration de la journée nationale dédiée aux contribuables, une journée célébrée pour la première fois au Burundi pour montrer l'importance du contribuable. D'été avec Alida Ndaikez. Lors de la célébration de cette journée dédiée aux contribuables, le président de la République du Burundi est revenu sur l'importance de payer les impôts et taxes. Pierre Nkurunziza a parlé du secteur de l'agriculture et de l'élevage qui fait vivre beaucoup de personnes au Burundi. 90% de la population burundaise vit de l'agriculture et de l'élevage. Ce secteur contribue beaucoup à la croissance de notre économie. On a donc besoin de faire beaucoup de formations à l'endroit de nos agronomes et il nous faut de l'engrais chimique et importer du bétail pour développer l'élevage. Tout ce qu'on doit acheter, on doit utiliser ces contributions qui viennent des taxes et impôts. Ne pas payer les impôts, c'est comme profiter de l'autre. Il faut les payer pour aider dans le développement du pays. Cette célébration a été une occasion de primer des personnalités et entreprises qui respectent les délais de paiement des taxes et impôts. Innocent Deyizeye, un des gagnants, dit avoir compris la nécessité de payer ces taxes. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons toujours de correspondre à la loi en rapport avec les taxes et les impôts. Et nous le faisons dans les délais et nous le faisons avec courage parce que nous savons qu'en le faisant, nous contribuons au bien-être du pays. Le prix, ça nous a réjouis parce que je dirais que c'est l'un des moyens qu'on devrait utiliser pour encourager ceux qui donnent les taxes et les impôts. 15 personnes ont pu avoir ces prix, dont le gouverneur d'Omuyinga, l'entreprise Braudi et Afri Textile. Alida Ndaikeza, certains députés s'inquiètent du suivi des médias par le ministère de la Communication. D'autres se demandent si l'audience a augmenté ou diminué alors que certains médias restaient fermés. Ils l'ont déclaré ce mardi lors des questions orales au Parlement adressées au ministre de la Communication. Nestor Wangmukunzi a répondu qu'il y a la liberté de la presse, mais qu'il n'y a pas encore eu d'études pour mesurer l'audience. Christella Nizigama était au Parlement de Kigobe. Lors des questions orales des parlementaires adressées au ministre de la Communication, Nestor Bangumukunzi, ces parlementaires sont beaucoup revenus sur la question de la liberté d'expression. Le député Léopold Hakizimana a posé la question de savoir si les auditeurs ont augmenté ou diminué alors que certains médias ont été fermés. Depuis la fermeture de certaines radios, est-ce que les auditeurs ont diminué ou ils ont augmenté? Au moment où nous savons quelle augmentation des auditeurs et celle du développement. Sur cette question, le ministre de la Communication a répondu qu'il n'y a pas encore eu d'étude d'audience. Vous demandez si les auditeurs ont augmenté. Une seule radio a été fermée, deux ont été ouvertes, d'autres pas encore pour une question d'enquête. Il y en a d'autres qui vont bientôt ouvrir. Ça veut dire qu'il y a la liberté d'expression au Burundi. Vous demandez si les auditeurs ont augmenté. On n'a pas encore fait une étude d'audience. D'autres inquiétudes ont été soulevées par le député Mvuyekule Lazare, qui dit qu'avec la naissance de beaucoup de radios, le suivi sera difficile. Les radios sont multipliées au Burundi et c'est une bonne chose, mais l'inquiétude sera au niveau du suivi des médias parce que chaque médium a sa ligne éditoriale. À cette question, le ministre de la Communication a répondu que c'est facile de faire le suivi lorsque les radios travaillent dans la légalité. Vous demandez si c'est facile de faire le suivi des radios. Les radios qui travaillent dans la légalité, nous les suivons facilement. Lors de la clôture de ces activités, le ministre de la Communication a demandé aux journalistes de respecter les lois et règlements régissant leur métier. Christella Nizigama, l'amicale des musiciens du Burundi, a voulu faire respecter le droit d'auteur en demandant au Conseil national de la communication, CNC, l'autorisation de soumettre à son aval les chansons avant d'être diffusées par les médias. Le président de cette association des musiciens évoque aussi l'idée de promotion d'une musique de bonne qualité, puisque les jeunes musiciens font des chansons dont la qualité laisse à désirer. Suivez Bruno Simbavimbe, le président de l'amicale des musiciens du Burundi. Bon, après avoir constaté qu'il y a ce qu'on appelle la division anarchique des chansons, donc nous avons dit quand même, en tant qu'association, en tant que technicien dans le domaine de la musique, nous avons dit quand même qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait la division anarchique des chansons qui n'ont pas de valeur artistique. Alors c'est pourquoi nous avons fait recours au CNC, et puis le CNC a bien répondu, nous avons quand même une correspondance qui est là. Il est clair, donc à partir du 1er mars 2017, toutes les chansons, avant qu'elles soient diffusées, devront avoir l'aval de l'Académie de Bondy. Est-ce qu'il y a-t-il un texte de loi qui vous autorise à donner aval à ce qui doit être diffusé à travers les radios, comme les chansons? Et le vice-président du CNC l'a bien dit, je l'ai écouté à la radio, il l'a bien dit, le texte est loi, est là. Donc la loi de 2005 le dit bien. Donc il y a une loi qui est là, une loi sur le droit d'auteur. Alors comme nous travaillons en étroite collaboration avec l'OBDR, l'Office Bondy des droits d'auteur, quand même, on devrait fournir des efforts ensemble pour quand même donner une orientation clé. Moi, je crois que cette mesure va donner quand même une orientation aux artistes musiciens de Bondy de produire, de travailler, hein, de donner, donc, ou de, je ne sais pas comment le dire, de donner une musique de valeur. Parce que le peuple a besoin de la musique qui est bien produite, que ce soit au niveau du texte et au niveau aussi de la mélodie. Oui, est-ce que vous allez remplacer l'office qui contrôle la mise en œuvre du droit d'auteur? Non, l'office est là. Si l'office existe, c'est pas que nous avons demandé, nous avons revendiqué nos droits. Et nous avons même organisé des manifestations. Mais c'est lui qui est chargé de contrôler la mise en œuvre de ces droits d'auteur? Non, non, le contrôler au niveau de redevance. Mais écouter la chanson de la qualité, je crois que l'amicale a ses prérogatives, a ses pouvoirs de donner l'orientation, de dire, écoutez, donc nous vous avons besoin en tant qu'artiste, parce que même si l'office est là, et l'office est là, c'est juste pour avancer et donner le fruit à l'artiste qui a fait une chanson de qualité. Alors, nous, en tant qu'amicale, alors, à partir de là, nous aimerions quand même écouter un artiste qui va revendiquer ses droits à travers le travail. Bruno Simbavimbere, c'est le président de l'Amicale des musiciens du Burundi. Cette amicale n'a aucune prérogative de donner son aval pour qu'une chanson soit diffusée dans une radio. Pour le directeur de la radio Isanganiro, cela ne rentre pas dans le cadre de ses missions. Samson Manira Dukunda en appelle au respect de la loi. Je trouve que la mesure est illégale, à ce sens que le Conseil national de la communication donne les prérogatives à une ASBL, l'Amicale des musiciens burundais. Or, l'Amicale des musiciens du Burundi était une ASBL qui a des objectifs bien précis, parmi lesquels ne figure pas l'enregistrement des chansons. Plutôt, l'Amicale des musiciens devrait comprendre qu'elle n'a pas le droit d'aller au-delà des objectifs auxquels elle s'est assignée lors de son enregistrement au sein du ministère de l'Intérieur. Deuxièmement, dans la lettre, nous voyons que l'Amicale des musiciens déplore qu'aujourd'hui, certaines radios locales diffusent des chansons dont les messages sont parfois de nature à saper les efforts du gouvernement dans sa recherche de la paix et de la cohésion sociale. D'abord, le maintien de la paix concerne tous les Burundais, sans exception aucune. Face à ce défi, plutôt je trouve que l'Amicale des musiciens devrait renforcer les capacités des musiciens, comme le font d'ailleurs d'autres organisations et associations. L'Amicale des musiciens demande aussi au CNC d'exiger à tout organe de presse audiovisuelle de ne plus utiliser des chansons de production locale qui n'ont pas sur la barre de l'Amicale des musiciens du Burundi. Cela me semble étrange qu'une association, ASBL, se donne des prérogatives de valider les productions d'une autre association sans démontrer des compétences. Plutôt, je trouve que la validation devrait être faite par un organe mis en place par l'État, que ça peut être un observatoire. Comme le Burundi est en état de droit, moi, j'estime que le CNC devrait suspendre d'abord cette mesure et comprendre que les médias et le CNC doivent tous travailler dans le respect de la loi parce que le Burundi est en état de droit. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page sécurité de ce journal, 15 personnes ont été arrêtées récemment par la police accusée d'escroquerie. Le porte-parole de la police fait savoir que ce groupe d'hommes et de femmes issus d'une organisation qui n'est pas connue par la loi, dénommée Association des victimes de violences, AVVC en sigle, escroquait des gens à leur disant qu'ils vont être amenés en Australie. À peu près 2000 dossiers avaient déjà été collectés. Une somme qui est estimée entre 700 000 et 1 500 000 de francs burundais est exigée sur chaque dossier. Le porte-parole de la police nationale souligne également que parmi les victimes de cette escroquerie figurent aussi quelques cadres de certaines sociétés publiques, car leurs dossiers font partie de ceux qui ont été retrouvés ces derniers, ainsi que d'autres qui donnaient l'impression d'être riches étaient obligés de payer à peu près 5 millions sur chaque dossier. Au sujet des informations diffusées par certaines ambassades, notamment celui des États-Unis d'Amérique et du Canada, disant qu'il pourrait y avoir des attaques terroristes visant surtout leurs ressortissants, le porte-parole de la police nationale, Pierre Mouliki, fait savoir que la police connaît ces informations, que des mesures nécessaires ont déjà été prises par le ministère de la Sécurité publique pour protéger la population et leurs biens. Suivez Pierre Nguriquier, porte-parole de la police nationale. La police nationale du Burundi informe le public qu'elle est également au courant des menaces d'attaques terroristes. Ce n'est pas la première fois que la police soit au courant de telles menaces. Vous savez que depuis que le pays est engagé dans les forces de maintien de la paix en Somalie, il y a le groupe terroriste Al-Shabaab qui a toujours menacé le Burundi d'y commettre des attentats terroristes. Ce sont des menaces qui ont également été constatées par certaines chancelleries au niveau des ambassades des États-Unis d'Amérique et du Canada au Burundi. On a aussi fait des alertes faisant état de possibles menaces terroristes. La police voudrait ici tranquilliser d'abord la population. Les forces de sécurité vont faire tout le nécessaire pour pouvoir prévenir de telles attaques sur le sol burundais. Toujours au sujet de la sécurité, Pierre Mouliki a indiqué que ces derniers jours, des découvertes d'armes qui ont été jetées n'importe où dans le pays, à part des gens qui s'en débarrassent, sont faites par la police et lancent un appel à toute personne qui détient illégalement une arme de la remettre aux forces de l'ordre pour prévenir la sécurité. Une femme du nom de Mukakabisa Aisha est au cachot de police de la zone commune Buhiga où elle réside dans la province de Karusi depuis ce lundi, accusée de meurtre d'un bébé qu'elle venait de mettre au monde. C'est ce mardi matin qu'elle a promis qu'elle avait confié ce bébé à une maman de la province Kirundo, à sa province d'origine, nous dit Blaise Pascal Kalarumi. Les membres de la famille et les voisins de la femme du nom de Mukakabisa Aisha, du centre de négoce de Buhiga dans la province de Karusi, indiquent qu'ils ont demandé secours aux responsables de la zone de Buhiga et à la police, après avoir remarqué que cette femme n'avait pas de grossesse, qu'elle portait et sans présenter le bébé. Ils signalent qu'une fois ils demandaient à cette femme où était partie cette grossesse, sa réponse n'était qu'elle avait des tumeurs dans son ventre et qu'elle venait de se faire soigner. C'est cette même explication qu'elle avait donnée à la police lorsque cette dernière l'avait arrêtée jeudi passé et par suite a pu la relaxer. Affirmant qu'ils étaient restés inquiets, les membres de la famille indiquent qu'ils ont continué à s'informer jusqu'au centre de santé privé du centre provincial de Muyinga, où cette mère de 5 enfants venait de se faire soigner. Et là, on lui avait signifié que la mère venait bel et bien de mettre au monde. Ils signalent que de là, ils ont encore une fois alerté la police et le chef de zone. De même que ces membres de la famille et responsables de la police, ils disent tous qu'ils ont été surpris d'entendre que cette mère leur avait demandé le matin de son mardi de lui permettre d'appeler une mère de la province de Kirundo, une mère à qui elle avait confié son bébé. Le commissaire provincial de la police indique que cette mère de Kirundo est venue au poste de police de Buhiga vers 16h pour présenter son bébé. Elle indique que la mère de ce bébé doit rester au cachot pour plus d'enquête. Signalons que l'époux de cette mère de ce bébé se trouve en mission de travail en République centrafricaine et ce dernier demande que cette mère ne retourne plus à la maison. Et puis Karusi, Blaise Pascal Kararumie pour la radio Isanganiro. Quittons le centre du pays pour nous rendre au nord, en province Ngozi, où deux personnes ont été tuées, dont une femme. Ce lundi, c'était sur la colline Hina, en commune Ngozi. Les conflits fonciers et la consommation des boissons prohibées seraient à l'origine de ces tueries. Et 117 personnes, essentiellement des enfants employés dans le commerce ambulant dans les rues de la ville de Lumonge, ont été arrêtées par la police de Lumonge ce mardi matin et rassemblées au centre d'enseignement des métiers de Lumonge. Le commissaire provincial de police dans cette province informe qu'il s'agit d'une façon de chasser ces enfants parmi lesquels se cachent des voleurs. Cette autorité ajoute que ces enfants seront remis à leurs employeurs à condition que ce commerce ne reprenne plus, comme l'a d'ailleurs recommandé le gouverneur de la province Lumonge. Et la coupe du bois pour la production des planches est provisoirement interdite en commune Mouying. L'administrateur de cette commune indique que cette mesure vient pour freiner le mouvement de coupe d'arbres signalé ces derniers jours consécutivement à l'exportation frauduleuse des planches vers la Tanzanie. Une information que nous devons à notre correspondant Dieudonné Nzeimana. À l'ouest du pays, plus de 150 Congolais ont fui leur pays ce lundi dans l'après-midi vers la commune Buganda de la province Chibitoke, passant par la 4e avenue de Gasenyi. Ces réfugiés font savoir qu'ils ont fui des heurts entre l'armée congolaise et le groupe des Mai Mai et qu'ils venaient de passer trois jours dans la forêt. Ces Congolais demandent à leur pays d'asseoir la paix dans ce pays et au gouvernement burundais de les abriter. Ils sont maintenant dans le camp provisoire de Chichemere et sont assistés par la Croix-Rouge. Vous saurez que 390 réfugiés de la RDC étaient dans ce site. Toujours en province Chibitoke, l'avocat de la société Rugopharm juge irrégulière à la mesure de la Commission nationale terres et autres biens d'exproprier les terres que cette société a régulièrement acquis. Il le dit après que le samedi de la semaine dernière, l'administrateur de Rugombo ait annoncé que ces terres reviennent à l'État burundais. Le porte-parole de la CNTB juge non fondé les doléances de Rugopharm, indiquant que les gestionnaires de cette dernière aient acheté cette propriété à une autre société qui n'avait pas le droit de vendre. Radio Isanganiro Chronique. Dans la suite de la chronique santé sur la crise cardiaque de ce mardi, le cardiologue Constantin Nyamuzangura revient sur les complications de cette maladie qui tue les gens en quelques heures seulement. Dans le traitement de cette maladie, la chance est du côté de ceux qui arrivent à l'hôpital au moins 4 heures après la survenue de la douleur thoracique intense qui est le premier signe de la crise. Francine Ndehokugayo nous a préparé cette chronique santé. On vous a parlé dernièrement dans la chronique santé de l'infarctus du myocarde, communément appelé crise cardiaque. Il s'agit d'une maladie qui survient quand une artère du cœur se trouve soudainement fermée ou bloquée par un caillot de sang. Le cardiologue Constantin Nyamuzangura fait savoir que la maladie se présente par une grosse douleur au niveau de la poitrine et que l'examen standard effectué en cas de crise cardiaque est l'électrocardiogramme qui permettra d'avoir des renseignements sur la santé du cœur. Le diagnostic de l'infarctus du myocarde ou de la crise cardiaque est un diagnostic médical. Il y a un examen clé qui est l'électrocardiogramme, qui est en fait l'enregistrement du rythme cardiaque. Et dès que le patient est vu par le médecin, il peut diagnostiquer directement par l'aspect de cet électrocardiogramme qui présente des anomalies. Mais souvent, la crise se passe à la maison et dans les localités où la personne peut être vue par des médecins chez lui, le diagnostic peut se faire également à domicile s'il y a des équipes médicales qui secourent le patient. Les complications possibles sont variées, mais la mort vient en tête. La première chose à craindre, en fonction du nombre de cellules ou des zones du cœur atteintes, on peut avoir un cœur qui ne bouge plus, qui ne fonctionne plus et du coup avoir un arrêt cardiaque et une mort. Les autres complications à distance, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que la personne se retrouve avec pratiquement une fonction du cœur très diminuée et son autonomie en pâtit bien évidemment. Les autres complications, c'est en termes de troubles de rythme cardiaque, c'est des patients qui présentent des problèmes de rythme cardiaque à type de cœur très rapide ou trop lent. Le docteur Nyamuzangura indique que la maladie peut être traitée, mais à condition que le patient soit vu de préférence 4 heures après la survenue de la douleur. Si la personne ressent la douleur et qu'il consulte précocement, c'est-à-dire avant 4 heures, parce que 4 heures, c'est vraiment le temps après lequel les cellules du cœur qui ne reçoivent pas d'oxygène meurent. On peut essayer de désobstruer l'artère, soit par des médicaments qu'on appelle des thrombolytiques ou fibrinolytiques. C'est des médicaments qui agissent et qui dissolvent le caillot. Et à ce moment-là, on peut s'en sortir sans complications, sans cicatrices. Mais dès que la personne est vue plus tard, c'est-à-dire après 12 heures, à ce moment-là, les cellules du myocarde ou du muscle cardiaque sont déjà mortes. Et à ce moment-là, au niveau médical, on va gérer les complications dont on a parlé, l'insuffisance cardiaque ou les troubles de rythme. Mais il faut savoir que dans les pays développés, il y a des moyens pas médicaux, des moyens disons invasifs, où on va entrer dans l'artère, où on va enlever le caillot et mettre une sorte de ressort au niveau de l'artère pour la garder dilatée. dilater et éviter l'obstruction des artères. Et pour prévenir une crise cardiaque, il suffit de repérer et essayer par après de freiner les différents facteurs de risque de la maladie. Le changement, un mode de vie, une hygiène de vie saine, fait d'exercice modéré mais régulier, une alimentation riche en fruits et légumes qui empêche l'oxydation du cholestérol, peuvent à la longue prévenir la survenue des crises cardiaques. Et pour les patients avec déjà du diabète et de l'hypertension, la consommation régulière de l'aspirine mineure sont des facteurs qui peuvent prévenir la survenue des crises cardiaques. Et sans oublier, bien sûr, la gestion du stress au travail qui peuvent, comme on a vu, provoquer ou alors être un élément déclencheur de la crise cardiaque. L'infarctus du myocarde est une maladie très grave qui peut entraîner des décès dans de nombreux cas. Il est souhaitable, selon le cardiologue Constantin Yamuzangura, qu'une personne qui ressent une grosse douleur thoracique inhabituelle se présente à l'hôpital dans l'urgence pour limiter les complications. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.